de Gustave Flaubert et Maxime Ducamp, Par les champs et par les grèves, un voyage en Bretagne. Chapitre 5. Il faisait chaud. Le bon soleil de mai nous mordait le cou et nos chemises de soie nous collaient dans le dos. Aussi, notre premier soin, en arrivant à Carnac, chez la veuve Gildas, notre hôtesse, fut-il de nous rafraîchir avec une bouteille de bière blanche qui fut suivie d'une autre, lesquelles nous gonflèrent le ventre, chose importante à dire. Le gîte était propre et d'honnête apparence. On nous mit dans une grande chambre, dont deux lits à baldaquin, recouverts d'indienne, et une table longue, pareille à celle d'un réfectoire de collège, formaient l'ameublement principal. Un raffinement de coquetterie avait laissé le pied des lits non bordé pour qu'on pût voir sur le bout de la couverture une large raie rouge qui en faisait la bordure. Et une précaution de propreté avait cloué sur la table une belle toile cirée, verte comme du bronze. Sur les murs, dans des cadres de bois noir, il y a l'histoire de Joseph, y compris la scène avec Madame Putiphar, le portrait de Saint Stanislas, celui de Saint-Louis de Gonzague, qui est bien le saint le plus bête du monde, et des certificats de première communion avec vignettes représentant l'intérieur de l'église et les communiants et assistants dans leurs costumes respectifs. Des tasses à café, décorées de ces mots écrits en lettres d'or, « Liberté, ordre public », sont rangées le long de la cheminée dans l'espace que leur laissent deux carafes. Ah, quelle carafe ! Quel dommage si on en cassait une ! Où retrouver la paire ? Elle n'était pourtant pas de verre de Venise, ni ciselée, ni taillée, mais de verre tout bonnement, comme de simples carafes. Elles n'ont pas même de bouchon, mais, dans la première, autour d'un Napoléon, grand d'un demi-pouce et tout raide étendu sur son tombeau, piqué de perles et hérissé de plumes, six militaires, de grades différents, se tiennent majestueusement, portant chacun à la main des palmes oblongues comme des cornichons, et dans la seconde s'accomplit le saint sacrifice de la messe, où on voit le prêtre, le calice, l'autel, quatre colonnes de perles, et aux quatre coins du sanctuaire, plus deux enfants de chœur, surchargés d'énormes pains de sucre rouges qui sont censés être les calottes de ces jeunes drôles. Ce lieu était si honnête, si bénin, exhalait un tel parfum de candeur, une modestie si bête mais si douce. La grande armoire à ferment de cuivre brillait si propre sous les cuvettes de Russie qui en ornaient la corniche, et les paniers d'osier crochés au sommier avaient l'air, comme tout le reste, si tranquille et si bonhomme, que nous décrétâmes de suite que Carnac nous plaisait et que nous y resterions quelque temps. Nos fenêtres donnaient sur la place de l'église, où des enfants jouaient aux billes à l'ombre d'un tilleul. C'était là l'unique bruit du village. Il n'y passe pas de voiture, il n'y a pas de boutique, et tout le pain qu'on y mange se cuit là en bas, dans la cuisine, dont la moitié est consacrée à une boulangerie. Quoique ne parlant pas le français et décorant leurs intérieurs de cette façon, on vit donc là tout de même, on y dort, on y boit, on y fait l'amour et on y meurt, tout comme chez nous. Ce sont aussi des humains que ces êtres-là, mais comme ils s'occupent peu du salon et même de l'exposition de l'industrie, comme ils s'embarrassent médiocrement de l'opéra qui va rouvrir et du rocher de Cancale qui est fermé, comme ils ne causent pas de ce dont on cause, le jockey club, les courses de Chantilly, les dettes de Dumas, les cuirs de M. de Rambuteau, le nez d'Hyacinthe, etc. C'est une chose dont on ne peut se défendre que cet étonnement imbécile qui vous prend à considérer les gens vivants où nous ne vivons point et passant leur temps à d'autres affaires que les nôtres. Vous rappelez-vous souvent, en traversant un village le matin, quand le jour se levait, avoir aperçu quelques bourgeois ouvrant ses auvents ou balayant le devant de sa porte et qui s'arrêtait bouche béante à vous regarder passer ? À peine s'il a pu distinguer votre visage, ni vous le sien, et dans cet éclair, pourtant, tous les deux, au même instant, vous vous êtes ébahis dans un immense étonnement. Il se disait, en vous regardant fuir, « Où va-t-il donc, celui-là, et pourquoi voyage-t-il » Et vous qui couriez, « Qu'est-ce qu'il fait là » disiez-vous. « Est-ce qu'il y reste toujours ?» Il faut assez de réflexion et de force d'esprit pour saisir nettement que tout le monde n'habite pas la même ville. Ne se chausse pas chez votre bottier, ne s'habille pas chez votre tailleur, dîne à d'autres heures que vous et n'ait pas vos idées. Mais je ne comprends point encore comment on existe lorsqu'on est notaire, comment il se peut faire que l'on soit employé dans un bureau, comment on se lève avant 10 heures et on se couche avant minuit. Et je me demande sérieusement s'il est possible qu'il y ait des êtres sur la terre s'occupant à autre chose qu'à aligner des phrases et à chercher des adjectifs. Il serait trop absurde, étant à Carnac, de ne pas aller voir les fameuses pierres de Carnac. Aussi, nous reprîmes nos bâtons et nous nous dirigeâmes vers le lieu où elles gisent. Nous allions dans l'herbe, tête baissée, et devisant sur je ne sais quoi, quand un frôlement nous a fait lever les yeux et nous avons vu une femme s'avancer par le sentier qui descendait, nus pieds, nues jambes, sans fichu, son grand bonnet remuant, sa jupe claquant au vent, une main sur la hanche et de l'autre retenant une énorme gerbe de foin qu'elle portait sur la tête. Elle marchait avec des torsions de taille, hardie et belle, dans son corsage rouge. Elle a passé près de nous, son souffle était large et fort, et la sueur coulait en filets sur la peau brune de ses bras ronds. Bientôt, enfin, nous aperçûmes dans la campagne des rangées de pierres noires, alignées à intervalles égaux, sur 11 fils parallèles qui vont diminuant de grandeur à mesure qu'elles s'éloignent de la mer. Les plus hautes ont 20 pieds environ, et les plus petites ne sont que de simples blocs couchés sur le sol. Beaucoup d'entre elles ont la pointe en bas, de sorte que leur base est plus mince que leur sommet. Cambry dit qu'il y en avait 4 000, et Fréminville en a compté 1 200. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y en a beaucoup. Voilà donc ce fameux chant de Carnac, qui a fait écrire plus de sottises qu'il n'a de cailloux. Il est vrai qu'on ne rencontre pas tous les jours des promenades aussi rocailleuses. Mais, malgré notre penchant naturel à tout admirer, nous ne vîmes qu'une facétie robuste, laissée là par un âge inconnu pour exerciter l'esprit des antiquaires et stupéfier les voyageurs. On ouvre, devant, des yeux naïfs, et tout en trouvant que c'est peu commun, on s'avoue cependant que ce n'est pas beau. Nous comprîmes donc parfaitement l'ironie de ces granites qui, depuis les druides, rient dans leur barbe de lichen vert à voir tous les imbéciles qui viennent les voir. Les savants ont passé leur vie à chercher ce qu'on en avait pu faire. Et n'admirez-vous pas, d'ailleurs, cette éternelle préoccupation du bipède sans plumes de vouloir trouver à chaque chose une utilité quelconque? Non content de distiller l'océan pour saler son pot-au-feu et d'assassiner les éléphants pour s'en faire des manches de couteau, son égoïsme s'irrite encore lorsque s'exhume devant lui un débris quelconque dont il ne peut deviner l'usage. À quoi donc cela était-il bon? Sont-ce des tombeaux? Était-ce un temple? Saint Corneille, un jour, poursuivi par des soldats qui le voulaient tuer, était à bout d'haleine et allait tomber dans la mer quand il lui vint l'idée, pour les empêcher de l'attraper, de les changer tous en autant de pierres. Aussitôt les soldats furent pétrifiés, ce qui sauva le saint. Mais cette explication n'était bonne tout au plus que pour les niais, les petits-enfants et pour les poètes. On en chercha d'autres. Au XVIe siècle, le sieur Olaus Magnus, archevêque d'Uppsale, et qui, exilé à Rome, s'amusa à écrire sur les antiquités de son pays un livre estimé partout, si ce n'est dans ce même pays, la Suède, où personne ne le traduisit, avait découvert de lui-même que lorsque les pierres sont plantées sur une seule et longue ligne droite, cela veut dire qu'il y a dessous des guerriers morts en se battant en duel, que celles qui sont disposées en carré sont consacrées à ceux qui périrent dans une mêlée, que celles qui sont rangées circulairement sont des sépultures de famille, et enfin que celles qui sont disposées en coin ou sur un ordre angulaire sont les tombeaux des cavaliers ou même des gens de pied, surtout ceux dont le parti avait triomphé. Voilà qui est clair, explicite, satisfaisant. Mais Olaus Magnus aurait bien dû nous dire quelle était la sépulture que l'on donnait à 2 cousins germains, ayant fait coup double dans un duel à cheval. Le duel de lui-même voulait que les pierres fussent droites, la sépulture de famille exigeait qu'elles fussent circulaires, mais comme c'étaient des cavaliers, il fallait bien les disposer en coin. Il est vrai qu'on n'y eût pas été absolument contraint, car on n'enterrait ainsi que ceux surtout dont le parti avait triomphé. Ô brave Olaus Magnus, vous aimiez donc bien fort le Montepulciano, et combien vous a-t-il fallu de rasades pour nous apprendre toutes ces belles choses ? Un certain docteur Borlaz, qui avait observé en Cornouailles des pierres pareilles, a dit aussi son petit mot là-dessus. Selon lui, on a enterré là des soldats à l'endroit même où ils avaient combattu. Où diable a-t-il vu qu'on les charria ordinairement au cimetière ? Leurs tombeaux, ajoute-t-il, sont rangés en ligne droite, comme le front d'une armée dans les plaines qui ont été le théâtre de quelques grandes actions. Cette comparaison est d'une poésie si grandiose qu'elle m'enlève, et je suis un peu de l'avis du docteur Borlaz. On a été ensuite chercher les Grecs, les Égyptiens et les Cochins chinois. Il y a un Karnak en Égypte, s'est-on dit, et il y en a un en Basse-Bretagne. Nous n'entendons ni le Copte, ni le Breton. Or, il est probable que le Karnak d'ici descend du Karnak de là-bas. Cela est sûr, car là-bas, ce sont des sphinx alignés. Ici, ce sont des blocs, des deux côtés de la pierre. D'où il résulte que les Égyptiens, peuple qui ne voyageait pas, seront venus sur ces côtes, dont ils ignoraient l'existence, y auront fondé une colonie, car ils n'en fondaient nulle part, et qu'ils y auront laissé ces statues brutes, eux qui en faisaient de si belles, témoignages positifs de leur passage, dont personne ne parle. Ceux qui aiment la mythologie ont vu là les colonnes d'Hercule. Ceux qui aiment l'histoire naturelle y ont vu une représentation du serpent Python, parce qu'au rapport de Posonias, une réunion de pierres semblables, placée sur la route de Thèbes à Élisonte, s'appelait la tête du serpent, et d'autant plus que les alignements de Karnak offrent des sinuosités comme un serpent. Ceux qui aiment la cosmographie y ont vu un zodiaque, comme M. de Cambry, entre autres, qui a reconnu dans ses 11 rangées de pierres les 12 signes du zodiaque, car il faut dire, ajoute-t-il, que les anciens Gaulois n'avaient que 11 signes au zodiaque. Un monsieur qui était membre de l'Institut a estimé que c'était le cimetière des Vénètes, qui habitaient Vannes, à 6 lieues de là, et lesquels fondèrent Venise, comme chacun sait. Un autre a pensé que ces bons Vénètes, vaincus par César, élevèrent ces pierres à la suite de leur défaite, uniquement par esprit d'humilité et pour honorer César. Mais on en avait assez des cimetières, du serpent Python et du zodiaque. On se mit en quête d'autre chose et on trouva un temple druidique. Le peu de documents authentiques que l'on ait sur cette époque, épars d'Ampline et dans Dion Cassius, s'accordent à dire que les druides choisissaient pour leurs cérémonies religieuses des lieux sombres, le fond des forêts et leur vaste silence. Aussi, comme Karnak est au bord de la mer, dans une campagne stérile où il n'a jamais poussé autre chose que les conjectures de ces messieurs, le premier grenadier de France, qui ne me paraît pas avoir été le premier homme d'esprit, suivi de Pelloutier et de M. Mahé, chanoine de la cathédrale de Vannes, a décidé que c'était un temple des druides dans lequel on devait aussi convoquer les assemblées politiques. Tout cependant n'était pas encore dit, et ce fait acquis à la science n'eût pas été complet si l'on eût démontré à quoi servaient dans l'alignement les espaces vides où il ne se trouve pas de pierre. Cherchons-en la raison, ce que personne ne s'est encore avisé de faire, s'est dit M. Mahé, et s'appuyant sur cette phrase de Pomponius Mela, les druides enseignent beaucoup de choses à la noblesse qu'ils instruisent secrètement en des cavernes et en des forêts écartées. Il établit en conséquence que les druides non seulement desservaient les sanctuaires, mais y faisaient leur demeure et y tenaient des collèges. Puis donc que le monument de Karnak est un sanctuaire comme l'étaient les forêts gauloises, ô puissance de l'induction, où pousses-tu le père Mahé, chanoine de Vannes et correspondant de l'Académie d'agriculture de Poitiers ? Il y a lieu de croire que les intervalles vides qui coupent les lignes des pierres renfermaient des files de maisons, où les druides habitaient avec leurs familles et leurs nombreux élèves, et où les principaux de la nation qui se rendaient au sanctuaire au jour de grande solennité trouvaient des logements préparés. Bons druides, excellents ecclésiastiques, comme on les a calomniés, eux qui habitaient là si honnêtement avec leurs familles et leurs nombreux élèves, et qui même poussait l'amabilité jusqu'à préparer des logements pour les principaux de la nation. Mais un homme est venu enfin qui, pénétré du génie de l'Antiquité et dédaignant les routes battues, a osé dire la vérité à la face de son siècle. Il a su reconnaître en ce lieu les restes d'un camp romain, et précisément d'un camp de César, qui n'avait fait élever ses pierres que pour servir d'appui aux tentes de ses soldats et pour les empêcher d'être emportés par le vent. Quelle bourrasque qu'il devait faire autrefois sur les côtes de l'Armorique ! L'homme qui a restitué à César la gloire de cette précaution sublime s'appelait Monsieur de la Sauvagère et était de son métier officier du génie. L'amas de toutes ces gentillesses constitue ce qui s'appelle l'archéologie celtique, science au charme de laquelle nous ne pouvons résister d'initier le lecteur. Une pierre posée sur d'autres s'appelle un dolmen, qu'elle soit horizontale ou verticale. Un rassemblement de pierres debout et recouvertes sur leur sommet par des dalles consécutives, formant ainsi une série de dolmens, est une grotte aux fées, roche aux fées, table des fées, table du diable ou palais des géants. Car, ainsi que ces maîtres de maison qui vous servent un vin identique sous des étiquettes différentes, les celtomanes, qui n'avaient presque rien à nous offrir, ont décoré de noms divers des choses pareilles. Quand ces pierres sont rangées en ellipse, sans aucun chapeau sur les oreilles, il faut dire « voilà un cromlech ». Lorsqu'on aperçoit une pierre étalée horizontalement sur deux autres verticales, on a affaire à un lycaven ou trilite, mais je préfère lycaven, comme plus scientifique, plus local, plus essentiellement celtique. Quelquefois, deux énormes blocs sont supportés l'un sur l'autre, ne semblant se toucher que par un seul point de contact. Et on lit dans les livres qu'elles sont équilibrées de telle façon que le vent même suffit quelquefois pour imprimer au bloc supérieur une oscillation marquée. Assertion que je ne nie pas, tout en me méfiant quelque peu du vent celtique. Quoique ces pierres prétendues branlantes n'aient jamais remué sous tous les coups de pied que nous avons eu la candeur de leur donner. Elles s'appellent alors pierres roulantes ou roulées, pierres retournées ou transportées, pierre qui danse ou pierre dansante, pierre qui vire ou pierre virante. Il reste à vous faire connaître ce que c'est qu'une fichade, une pierre fiche, une pierre fixée. Ce que l'on entend par haute borne, pierre latte et pierre lait. En quoi une pierre fonte diffère d'une pierre fillette et quel rapport existe entre une chair au diable et une pierre droite? Après quoi, vous en saurez à vous seul aussi long que jamais n'en surent ensemble Pelloutier, De Ric, La Tour d'Auvergne, Penouette et autres, doublés de Mahé et renforcés de Fréminville. Apprenez donc que tout cela signifie un pelvant, autrement dit un menhir, et n'exprime autre chose qu'une borne, plus ou moins grande, placée toute seule au beau milieu des champs. Les colonnes creuses du boulevard, vues du côté du trottoir, sont donc autant de pelvans placés là par la sollicitude paternelle de la police pour le soulagement des Parisiens, qui ne se doutent guère les misérables en lisant l'affiche des capsules mottes qu'ils soient momentanément contenus dans un petit menhir. J'allais oublier les tumulus. Ceux qui sont composés à la fois de cailloux et de terre sont appelés boreaux en hostile, et les simples monceaux de cailloux Galgal. Les fouilles que l'on a faites sous ces diverses espèces de pierres n'ont amené à aucune conclusion sérieuse. On a prétendu que les dolmens et les trilites étaient des autels quand ils n'étaient pas des tombeaux, que les roches aux fées étaient des lieux de réunion ou bien des sépultures et que les conseils de fabrique d'alors s'assemblaient dans les cromlechs. Monsieur de Cambry a entrevu dans les pierres branlantes les emblèmes du monde suspendus dans l'espace. Mais on s'est assuré depuis que ce n'étaient que des pierres probatoires dont on faisait usage pour rechercher la culpabilité des accusés et qu'ils étaient convaincus du crime imputé quand ils ne pouvaient remuer le rocher mobile. Les galgales et les boreaux ont été sans doute des tombeaux. Et quant au menhir, on a poussé la bonne volonté jusqu'à trouver qu'il ressemblait à des phallus, d'où l'on a induit le règne d'un culte ityphalique dans toute la Basse-Bretagne. Ô chaste indécence de la science, tu ne respectes rien, pas même les pelvans. Pour en revenir aux pierres de Carnac, ou plutôt pour les quitter, je ne demanderais pas mieux, comme un autre, que de les avoir contemplées lorsqu'elles étaient moins noires et que les lichens n'y avaient pas encore poussé. La nuit, quand la lune roulait dans les nuages et que la mer mugissait sur le sable, les druidesses errantes parmi ces pierres, si elles y erraient toutefois, devaient être belles, il est vrai, avec leurs faucilles d'or, leurs couronnes de verveine et leurs traînantes robes blanches rougies du sang des hommes. Longues comme des ombres, elles marchaient sans toucher terre, les cheveux épars, pâles sous la pâleur de la lune. D'autres que nous déjà se sont dit que ces grands blocs immobiles peut-être les avaient vus jadis, d'autres comme nous viendront aussi là sans comprendre, et les Maës, des siècles à naître, s'y briseront le nez et y perdront leur peine. Une rêverie peut être grande et engendrer au moins des mélancolies fécondes quand, partant d'un point fixe, l'imagination, sans le quitter, voltige dans son cercle lumineux. Mais lorsque, se cramponnant à un objet dénué de plastique et privé d'histoire, elle essaie d'en tirer une science et de rétablir toute une société perdue, elle demeure elle-même plus stérile et plus pauvre que cette matière inerte à laquelle la vanité des bavards prétend trouver une forme et donner des chroniques. Après avoir exposé les opinions de tous les savants cités plus haut, que si l'on me demande à mon tour quelle est ma conjecture sur les pierres de Carnac, car tout le monde a la sienne, j'émettrai une opinion irréfutable, irréfragable, irrésistible, une opinion qui ferait reculer les tentes de Monsieur de la Sauvagère et pâlir l'Égyptien Penouette, une opinion qui casserait le zodiaque de Cambry et mettrait le serpent Python en tronçon, et cette opinion la voici. Les pierres de Carnac sont de grosses pierres. Nous nous en retournâmes donc à l'auberge où, servie par notre hôtesse, qui avait de grands yeux bleus, de fines mains qui s'achèteraient cher, et une douce figure d'une pudeur monacale, nous dînâmes d'un bel appétit qu'avaient creusé nos 5 heures de marche. Il ne faisait pas encore nuit pour dormir, on n'y voyait plus pour rien faire, nous allâmes à l'église. Elle est petite, quoique portant nef et bas-côté, comme une grande dame d'église de ville. De gros piliers de pierre, trapus et courts, soutiennent sa voûte de bois bleu, d'où pendent de petits navires, ex-voto, promis dans les tempêtes. Les araignées courent sur leurs voiles et la poussière pourrit leurs cordages. On ne disait aucun office. La lampe du chœur brûlait seule dans son godet d'huile jaune, et en haut, dans l'épaisseur de la voûte, les fenêtres non fermées laissaient passer de larges rayons blancs avec le bruit du vent qui courbait les arbres. Un homme est venu, a rangé les chaises, a mis 2 chandelles dans des girandoles de fer blanc accrochées aux piliers et a tiré dans le milieu une façon de brancard à pied dont le bois noir avait de grosses taches blanches. D'autres gens sont entrés dans l'église, un prêtre en surplis a passé devant nous. On a entendu un bruit de clochette s'arrêtant et reprenant par intervalles, et la porte de l'église s'est ouverte, toute grande. Personne ne venait, on attendait quelqu'un. Le son saccadé de la petite cloche s'est mêlé à un autre qui lui répondait, et toutes deux, s'approchant en grandissant, redoublaient leurs battements secs et cuivrés. Une charrette traînée par des bœufs apparut dans la place et s'est arrêtée devant le portail. Un mort était dessus. Ses pieds, pâles et mats, comme de l'albâtre lavé, dépassaient le bout du drap blanc qui l'enveloppait de cette forme indécise qu'ont tous les cadavres en costume. La foule survenue se taisait, les hommes restaient découverts, le prêtre secouait son goupillon en marmottant des oraisons, et les bœufs accouplés, remuant lentement la tête, faisaient crier leurs gros joues de cuir. L'église, où brillait une étoile au fond, ouvrait sa grande ombre noire que refoulait du dehors le jour vert des crépuscules pluvieux, et l'enfant qui éclairait sur le seuil passait toujours la main devant sa chandelle pour empêcher le vent de l'éteindre. On l'a descendu de la charrette, sa tête s'est cognée contre le timon, on l'a entré dans l'église, on l'a mis sur le brancard, un flot d'hommes et de femmes a suivi, On s'est agenouillé sur le pavé, les hommes près du mort, les femmes plus loin vers la porte, et le service a commencé. Il ne dura pas longtemps, pour nous du moins, car les psalmodies basses bourdonnaient vite, couvertes de temps à autre par un sanglot faible qui partait de dessous les capes noires, en bas de la nef. Une main m'a effleuré, et je me suis reculé pour laisser passer une femme courbée. Serrant les poings sur sa poitrine, baissant la tête, allant en avant sans remuer les pieds, essayant de regarder, tremblant de voir, elle s'est avancée vers la ligne de lumière qui brûlait le long du brancard. Lentement, lentement, en levant son bras, comme pour se cacher dessous, elle a tourné la tête sur le coin de son épaule et elle est tombée sur une chaise, affaissée, aussi morte et molle que ses vêtements même. À la lueur des cierges, j'ai vu ses yeux fixes dans leurs paupières rouges, éraillées comme par une brûlure vive, sa bouche idiote et crispée, grelottante de désespoir, et toute sa pauvre figure qui pleurait comme un orage. C'était son mari, perdu à la mer, que l'on venait de retrouver sur la grève et qu'on allait enterrer tout à l'heure. Le cimetière touchait à l'église, on y passa par une porte de côté, et chacun y reprit son rang, tandis que dans la sacristie on clouait le mort dans son cercueil. Une pluie fine mouillait l'air, on avait froid, il faisait gras marcher, et les fossoyeurs qui n'avaient pas fini rejetaient avec peine la terre lourde et molle qui collait sur leurs louchers. Au fond, les femmes, à genoux dans l'herbe, avaient découvert leurs capuchons et leurs grands bonnets blancs, dont les pans empesés se soulevaient au vent, faisaient de loin comme un grand linceul qui se lève de terre et qui ondoie. Le mort a reparu, les prières ont recommencé, les sanglots ont repris. On les entendait à travers le bruit de la pluie qui tombait. Près de nous sortait, par intervalles égaux, une sorte de gloussement étouffé qui ressemblait à un rire. Partout ailleurs, en l'écoutant, on l'eût pris pour l'explosion réprimée de quelque joie violente ou pour le paroxysme contenu d'un délire de bonheur. C'était la veuve qui pleurait. Puis elle s'approcha jusqu'au bord, elle fit comme les autres, et la terre peu à peu reprit son niveau, et chacun s'en retourna. Comme nous enjambions l'escalier du cimetière, un jeune homme qui passait à côté de nous dit en français à un autre « Le bougre puait-il ? Il est presque tout pourri. Depuis 3 semaines qu'il est à l'eau, c'est pas étonnant. » En rentrant chez nous, nous avons trouvé notre hôtesse qui donnait à téter à son enfant et qui l'endormait en se dandinant sur une chaise. Il n'y avait pour nous plus rien de curieux à Carnac. Nous avions vu à loisir sur le portail latéral de son église l'affreux baldaquin qui rentre généralement dans le goût de l'architecture des pâtissiers. J'entends celle qui décore ces odieuses inventions connue sous le nom de pièces montées, dont les tranches d'orange confite font les arcades et les bouts de chocolat les colonnes, avec un obélisque en sucre rose terminé par une fleur. Et nous avions contemplé dans l'intérieur la statue de Saint Corneille, plus entourée de cordes qu'un saucisson de lion ne l'est de ficelle. Les cordes qui ont touché le saint ont la vertu de guérir les animaux malades. Aussi y a-t-il au-dessus de la grande porte de l'église une sorte d'enseigne peinte représentant 2 paysans, présentant l'un sa vache, l'autre son bœuf, à ce bon saint vétérinaire. Quand ces cordes sont restées autour de lui un certain temps, elles ont acquis leur diplôme. On les emporte et on les garde chez soi. On se les emprunte de voisin à voisin et de village à village. Honte reste des superstitions dont la France éclairée s'est purgée, dirait le national. Nous n'en restâmes pas moins 3 jours encore à Carnac, à n'y faire autre chose que de nous promener au bord de la mer et à nous coucher sur le sable où nous dessinions avec nos bâtons des arabesques qu'effaçait le flot montant et sur lequel, étendus en plein soleil, nous dormions comme des lézards. L'un près de l'autre, assis par terre, nous prenions du sable dans nos mains, nous le regardions couler à travers nos doigts, nous retournions la carcasse séchée de quelques vieux crabes évidés, nous cherchions des galets creux pour nous faire des encriers, nous ramassions des coquillages, et la journée passait. Le soleil s'abaissait sur la mer qui variait ses couleurs, continuait son bruit et laissait sur la plage son long feston de varechs et d'écume. Nous ouvrions nos poitrines, nous humions le parfum des vagues, douce et âcre senteur mêlée d'eau, de brise et d'herbe, qui accourt vers nous du fond de l'océan, et des bouffées d'air chaud venaient d'entre les trous des dunes dont les joncs minces s'accrochaient aux boucles de nos guêtres. Quand le soir était arrivé, nous retournions au gîte, en regardant dans le ciel les grandes traînées de pourpre qui s'étendaient sur son azur. Un matin, pourtant, nous partîmes, comme les autres matins, nous prîmes le même sentier, nous traversâmes la haie d'ormeaux et la prairie inclinée où nous avions vu la veille une petite fille chassant ses bestiaux vers l'abreuvoir. Mais ce fut le dernier jour et la dernière fois, peut-être, que nous passâmes par là. Un terrain vaseux où nous enfoncions jusqu'aux chevilles s'étend de Carnac jusqu'au village de Pau. Un canot nous y attendait, nous montâmes dedans, on poussa du fond avec la rame et on hissa la voile. Notre marin, vieillard à figure gaie, s'assit à l'arrière, y attacha au plat-bord une ligne pour prendre du poisson et laissa partir sa barque tranquille, à peine s'il faisait du vent. La mer toute bleue n'avait pas de rides et gardait longtemps sur elle le sillage étroit du gouvernail. Le bonhomme causait, il nous parlait des prêtres qu'il n'aime pas, de la viande, qui est une bonne chose à manger, même les jours maigres, du mal qu'il avait quand il était au service, des coups de fusil qu'il a reçus quand il était douanier. Nous allions doucement, la ligne tendue suivait toujours, et le bout du tape-cul trempait dans l'eau. La lieue qui nous resta à faire à pied pour aller de Saint-Pierre à Quiberon fut lestement avalée, malgré une route montueuse à travers des sables, malgré le soleil qui faisait crier sur nos épaules la bretelle de nos sacs, et nonobstant quantité de menhirs qui se dressaient dans la campagne. À Quiberon, nous déjeunâmes chez le sieur Rohan Belle-Île, qui tient l'hôtel Penthièvre. Ce gentilhomme était nu-pied dans ses savates, vu la chaleur, et trinquait avec un maçon, ce qui n'empêche pas d'être le descendant d'une des premières familles d'Europe. Un noble de vieille race, un vrai noble, vive Dieu, qui nous a tout de suite fait cuire des homards et s'est mis à nous battre des biftecs. Notre orgueil en fut flatté dans sa fibre la plus reculée, et encore maintenant je ne puis m'empêcher, en pensant à cet honneur, de remercier d'un seul coup la Providence de tous ceux dont elle m'a comblé dans la vie. J'ai été embrassé par des princesses de sang royal, j'ai dîné avec un Montmorency, il m'a même offert du cidre, j'ai été servi par un Rohan, j'ai trinqué avec Louis Fessard et j'ai tapé sur la bedaine aux cardinaux. Tout le passé de Quiberon se résume dans un massacre. Sa plus rare curiosité est un cimetière. Il est plein, il regorge, il fait craquer ses murs, il déborde dans la rue. Les pierres tassées se brisent aux angles, montent les unes sur les autres, s'envahissent, se submergent et se confondent, comme si les morts, gênés dessous, soulevaient leurs épaules pour sortir de leur tombeau. On dirait de quelque océan pétrifié dont toutes ces tombes font les vagues et où les croix seraient les mâts des vaisseaux perdus. Au milieu, un grand ossuaire tout ouvert reçoit les squelettes de ceux que l'on désenvelit pour faire place aux autres. De qui donc cette pensée ? La vie est une hôtellerie, c'est le cercueil qui est la maison ? Ceux-ci ne restent pas dans la leur, ils n'en sont que les locataires et on les enchasse à la fin du bail. Tout autour de cet ossuaire, où cet amas d'ossements ressemble à un fouillis de bourrées, est rangé à hauteur d'homme une série de petites boîtes en bois noir, de 6 pouces carrés chacune, recouvertes d'un toit surmonté d'une croix et percées sur la face antérieure d'un cœur à jour qui laisse voir dedans une tête de mort. Au-dessus du cœur, on lit, en lettres peintes, « Ceci est le chef de « Décédé tel an, tel jour ». Ces têtes n'ont appartenu qu'à des gens d'un certain rang, et l'on passerait pour un mauvais fils si au bout de 7 ans on ne donnait au crâne de ses parents le luxe de ce petit coffre. Quant au reste du corps, on le rejette dans l'ossuaire. 25 ans après, on y jette aussi la tête. Il y a quelques années, je ne sais qui, voulut abolir cette coutume. Une émeute se fit, elle resta. Il peut être mal de jouer ainsi, avec toutes ces boules rondes qui ont contenu la pensée, avec ces cercles vides où battait l'amour. Toutes ces boîtes, le long de l'ossuaire, sur les tombes, dans l'herbe, sur le mur, pêle-mêle, peuvent sembler horribles à plusieurs, ridicules à d'autres. Mais ces bois noirs se pourrissent à mesure que les eaux qu'ils renferment blanchissent et s'égrènent. Toutes ces têtes vous regardent avec leurs nez rongés, leurs orbites creuses et leurs fronts qui luisent par places sous la traînée gluante des limaçons. Ces fémurs entassés là, comme tous les grands charniers de la Bible, ces fragments de crâne qui roulent pleins de terre et où parfois, comme dans un pot de porcelaine, a poussé quelque fleur qui sort par le trou des yeux. La vulgarité même de ces inscriptions, toutes pareilles les unes aux autres, comme le sont entre eux les morts qu'elles désignent. Toute cette pourriture humaine, disposée de cette façon, nous a paru fort belle et nous a procuré un solide et bon spectacle. Si la poste dorée eût été arrivée, nous fussions partis tout de suite pour Belle-Île. Mais on attendait la poste dorée. Assis dans la cuisine de l'auberge, en chemise et les bras nus, les marins de passage patientaient en buvant chopine. À quelle heure arrive-t-elle donc la poste dorée ? C'est selon, à 10 heures d'ordinaire, répondit le patron. À midi, fit monsieur de Rohan. À 1 heure. À 1 heure et demie. Souvent, elle n'est pas ici avant 2 heures. C'est pas régulier. Nous en étions convaincus. Il en était 3. On ne pouvait partir avant l'arrivée de ce malencontreux courrier qui apporte pour Belle-Île les dépêches de la terre ferme. Il fallait se résigner. On allait sur le devant de la porte, on regardait dans la rue, on rentrait, on ressortait. Ah, il ne viendra pas aujourd'hui. Il sera resté en route. Faut nous en aller. Non, attendons-le. Si ces messieurs s'ennuient trop, après tout, au fait, peut-être n'y a-t-il pas de lettres. Non, encore un petit quart d'heure. Ah, c'est lui. Ce n'était pas lui, et le dialogue recommençait. Enfin, un trot de cheval fatigué qui bat le briquet, un bruit de grelot, un coup de fouet, un homme qui crie « Oh, oh, voilà la poste, voilà la poste !» Le cheval s'arrêta net à la porte, rentra son échine, tendit le cou, allongea le museau en montrant les dents, écarta les jambes de derrière et se leva sur les jarrets. La rosse était haute, cagneuse, osseuse, sans poils à la crinière, le sabot rongé, les fers battants. La croupière lui déchirait la queue. Un séton suintait à son poitrail. Perdu dans une selle qui l'engouffrait, retenu en arrière par une valise, en avant par le grand portefeuille aux lettres passé dans l'arçon, son cavalier juché dessus se tenait ratatiné comme un singe. Sa petite figure, à poils rares et blonds, ridée et racornie comme une pomme de rainette, disparaissait sous un chapeau de toile cirée doublé de feutre. Une sorte de paletot de coutil gris lui remontait jusqu'aux hanches et lui entourait le ventre d'un cercle de plis ramassés, tandis que son pantalon, sans sous-pieds, qui se relevait et s'arrêtait aux genoux, laissait voir à nu ses mollets rougis par le frottement des étrivières, avec ses bas bleus descendus sur le bord de ses souliers. Des ficelles rattachaient les harnais de la bête. Des bouts de fil noir ou rouge avaient recousu le vêtement du cavalier. Des reprises de toutes couleurs, des taches de toutes formes, de la toile en lambeaux, du cuir gras, de la crotte séchée, de la poussière nouvelle, des cordes qui pendaient, des guenilles qui brillaient, de la crasse sur l'homme, de la gale sur la bête. L'un chétif et suant, l'autre étique et soufflant. Le premier avec son fouet, le second avec ses grelots. Tout cela ne faisait qu'une même chose, ayant même teinte et même mouvement, exécutant presque même geste, servant au même usage, dont l'ensemble s'appelle la poste dorée. Au bout d'une heure encore, quand on eut pris dans le pays nombre suffisant de paquets et de commissions, et qu'on eut encore attendu quelques passagers qui devaient venir, on quitta enfin l'auberge et l'on avisa à s'embarquer. Ce fut d'abord un pêle-mêle de bagages et de gens, d'avirons qui vous barraient les jambes, de voiles qui vous retombaient sur le nez, l'un s'embarrassant dans l'autre et ne trouvant pas où se mettre. Chacun prit son coin, trouva sa place, les bagages au fond, les marins debout sur les bancs, les passagers où ils purent. Nulle brise ne soufflait, et les voiles pendaient droites le long des mâts. La lourde chaloupe se soulevait à peine sur la mer, presque immobile, qui se gonflait et s'abaissait avec le doux mouvement d'une poitrine endormie. Appuyés sur l'un des plats-bords, nous regardions l'eau qui était bleue comme le ciel et calme comme lui. Et nous écoutions le bruit des grands avirons qui battaient l'onde et criaient dans les tolets. À l'ombre des voiles, les six rameurs entrecroisés les levaient lentement en mesure et les poussaient devant eux. Ils tombaient et se relevaient, égrenant des perles au bout de leurs palettes. Couchés dans la paille, sur le dos, assis sur les bancs, les jambes ballantes et le menton dans les mains, ou postés contre les parois du bateau, entre les gros jambages de la membrure dont le goudron se fondait à la chaleur, les passagers silencieux baissaient la tête et fermaient les yeux à l'éclat du soleil frappant sur la mer plate comme un miroir. Un homme à cheveux blancs dormait par terre à mes pieds, un gendarme suait sous son tricorne, deux soldats avaient ôté leur sac et s'étaient couchés dessus. Près du beaupré, le mousse regardait dans le foc et sifflait pour appeler le vent. Debout à l'arrière, le patron faisait tourner la barre. Le vent ne venait pas, on abattit les voiles qui descendirent tout doucement en faisant sonner le fer des rocambeaux et affaissèrent sur les bancs leurs draperies lourdes. Puis chaque matelot défit sa veste, la serra sous l'avant, et tous alors recommencèrent, en poussant de la poitrine et des bras, à mouvoir les immenses avirons qui se ployaient dans leur longueur. L'air était d'une transparence bleuâtre, sa lumière crue enveloppant tout, frappant tout, pénétrait jusque dans leurs pores les vieux bois gris de la barque, les fils épais de la voile, la peau des hommes gouttelante de sueur. Ils haletaient d'accord, on entendait à la fois leur poitrine respirer et les avirons tomber dans l'eau. Après chaque mouvement de tous ces bras qui se dépliaient et s'abaissaient, une traction sourde vous glissait en avant. On entendait, autour du gouvernail, l'eau clapoter plus clair, et dans le silence, la barque s'avançait, puis, secouée, repartait. Derrière, on voyait Quiberon, reculant graduellement sa plage de sable. À gauche, les îles d'Ouatt et d'Ouédic, bombant sur la surface du pâle azur leur masse d'un vert noir. Belle-Île, grandissant les pans à pic de ses rochers couronnés d'herbes, et la citadelle, dont la muraille plonge dans la mer, qui se levait lentement de dessous les flots. On y envoyait, dans un régiment de discipline, les deux soldats escortés par le gendarme, et que moralisait de son mieux un fusilier qu'il avait pris comme renfort pour les contenir. Le matin, déjà, pendant que nous déjeunions, l'un d'eux, en compagnie du brigadier, était entré dans l'auberge, d'un air crâne, la moustache retroussée, les mains dans les poches, le képi sur l'oreille, en demandant à manger tout de suite, et à boire n'importe quoi, fût-ce de l'arsenic, appelant, jurant, criant, faisant sonner ses sous, et damner le pauvre gendarme. Maintenant il riait encore, mais des lèvres seulement, et sa joie devenait plus rare à mesure qu'à l'horizon se dressait le grand mur blanc où il allait bêcher la terre et traîner le boulet. Son compagnon était plus calme. C'était une grosse figure, lourde et laide, une de ces natures d'une vulgarité si épaisse que l'on comprenait de suite l'immense mépris qu'ont pour elle ceux qui poussent sur le canon cette viande animée et le bon marché qu'ils en font. Il n'avait jamais vu la mer. Il la regardait en ouvrant ses deux yeux. Il dit, se parlant à lui-même, « C'est curieux tout de même. Ça donne tout de même un aperçu de ce qui existe. » Appréciation que j'ai trouvée profonde et aussi émue par le sentiment de la chose même que toutes les expressions lyriques que j'ai entendu faire à bien des dames. L'autre soldat ne cachait pas pour lui le dédain qu'il avait. Et quoi qu'ils fussent amis, il haussait les épaules de pitié en le regardant. Quand il se fut suffisamment amusé de lui en essayant de faire rire sur son compte la société qui l'entourait, il le laissa dormir dans son coin et se tourna vers nous. Alors il nous parla de lui-même, de la prison qu'il va subir, du régiment qui l'ennuie, de la guerre qu'il souhaite, de la vie dont il est là. Peu à peu ainsi, sa joie étudiée s'en alla, son rire forcé disparut. Il devint simple et doux, mélancolique et presque tendre. trouvant enfin une oreille ouverte à tout ce qui depuis longtemps surchargeait son cœur exaspéré d'ennui, il nous exposa longuement toutes les misères du soldat, les dégoûts de la caserne, les exigences taquines de l'étiquette, toutes les cruautés de l'habit, l'arrogance brutale des sergents, l'humiliation des obéissances aveugles, l'assassinat permanent de l'instinct et de la volonté sous la masse du devoir. Il est condamné à un an de discipline pour avoir vendu un pantalon. À beaucoup, disait-il, ça ne fait rien, comme à ça, par exemple, en désignant son compagnon. Des paysans s'est habitué à remuer la terre, mais moi, ça me salira les mains. Oh, orgueil ! Ton goût d'absinthe remonte donc dans toutes les bouches et tous les cœurs te ruminent. Qu'était-il, lui, qui se plaignait de tant souffrir au contact des autres ? Un enfant du peuple ? Un ouvrier de Paris ? Un garçon sellier ? J'ai plaint cet homme ardent et triste, malade de besoin, rongé d'envie longue, qui s'impatiente du joug et que le travail fatigue. Il n'y a pas que nous, au coin de nos cheminées, dans l'air étouffé de nos intérieurs, qui ayons des fadeurs d'âme et des colères vagues, dont on tâche de sortir avec du bruit en essayant d'aimer, en voulant écrire. Celui-là fait de même dans son cercle inférieur, avec les petits vers et les donzelles. Lui aussi, il aime l'argent, la liberté, le grand air. Il voudrait changer de lieu, fuir ailleurs, n'importe où. Il s'ennuie, il attend, sans espoir. Les sociétés avancées exhalent, comme une odeur de foule, des miasmes écœurants, et les duchesses ne sont pas les seules à s'en évanouir. Ne croyez pas les mains sans gants plus robustes que les autres. On peut être là de tout, sans rien connaître, fatigué de traîner sa casaque, sans avoir lu Werther ni René. Il n'y a pas besoin d'être reçu bachelier pour se brûler la cervelle. On avait tant tardé à partir qu'à peine s'il y avait de l'eau dans le port, et nous eûmes grand mal à y entrer. Notre quille frôlait contre les petits cailloux du fond, et pour descendre à terre, il nous fallut marcher sur une rame, comme sur la corde raide. Resserrés entre la citadelle et ses remparts, et coupés au milieu par un port presque vide, le palais nous parut une petite ville assez sotte, qui transude un ennui de garnison et à je ne sais quoi d'un sous-officier qui bâille. Ici, on ne voit plus les chapeaux de feutre noir du Morbihan, bas de forme, immenses d'envergure et abritant les épaules. Les femmes n'ont pas ces grands bonnets blancs qui s'avancent devant leur visage comme ceux des religieuses, et par derrière retombent jusqu'au milieu du dos, vêtant ainsi chez les petites filles la moitié du corps. Leurs robes sont privées du large galon de velours appliqué sur l'épaule qui, dessinant le contour de l'omoplate, va se perdre sous les aisselles. Leurs pieds non plus ne portent point ces souliers découverts, ronds du bout, hauts de talons et ornés de longs rubans noirs qui frôlent la terre. C'est comme partout des figures qui se ressemblent, des costumes qui n'en sont pas, des bornes, des maisons, des pavés et même un trottoir. Était-ce la peine de s'être exposé au mal de mer, que nous n'avions pas eu d'ailleurs, ce qui nous rendait indulgents, pour n'avoir à contempler que la citadelle dont nous nous soucions fort peu, le phare dont nous nous inquiétons encore moins, ou le rempart de Vauban qui nous ennuyait déjà? Mais on nous avait parlé des roches de Belle-Île. Un continent donc, nous dépassâmes les portes et coupant net à travers champs, rabattîmes sur le bord de la mer. Nous ne vîmes qu'une grotte, une seule. Le jour tombait. Mais qui nous parut si belle ? Elle était tapissée de varechs et de coquilles et avait des gouttes d'eau qui tombaient d'en haut, que nous résolûmes de rester le lendemain à Belle-Île pour en chercher de pareilles, s'il y en avait, et nous repaître à loisir les yeux du régal de toutes ces couleurs. Le lendemain, donc, sitôt qu'il fit jour, ayant rempli une gourde, fourré dans un de nos sacs un morceau de pain avec une tranche de viande, nous prîmes la clé des champs, et sans guide ni renseignement quelconque, c'est là la bonne façon, nous nous mîmes à marcher, décidés à aller n'importe où pourvu que ce fût loin, et à rentrer n'importe quand pourvu que ce fût tard. Nous commençâmes par un sentier dans les herbes. Il suivait le haut de la falaise, montait sur ses pointes, descendait dans ses vallons et continuait dessous en faisant le tour de l'île. Quand un éboulement l'avait coupé, nous remontions plus haut dans la campagne, et, nous réglant sur l'horizon de la mer, dont la barre bleue touchait le ciel, nous regagnions ensuite le haut de la côte, que nous retrouvions à l'improviste, ouvrant son abîme à nos côtés. La pente à pic sur le sommet de laquelle nous marchions ne nous laissait rien voir du flanc des rochers. Nous entendions seulement au-dessous de nous le grand bruit battant de la mer. Quelquefois, la roche, s'ouvrant dans toute sa grandeur, montrait subitement ses deux pans presque droits, que rayaient des couches de silex et où avaient poussé de petits bouquets jaunes. Si on jetait une pierre, elle semblait quelque temps suspendue, puis se heurtait aux parois, déboulait en ricochant, se brisait en éclats, faisait rouler de la terre, entraînait des cailloux, finissait sa course en s'enfouissant dans les graviers, et on entendait crier les cormorans qui s'envolaient. Souvent, les pluies d'orage et les dégels avaient chassé dans ces gorges une partie des terrains supérieurs qui, s'y étant écoulés graduellement, en avaient adouci la pente, de manière à y pouvoir descendre. Nous nous risquâmes dans l'une d'elles, et nous laissant glisser sur le derrière, en nous écorant des pieds et nous retenant des mains, nous arrivâmes enfin en bas sur du beau sable tout mouillé. La marée baissait, il fallait, pour passer, attendre le retrait des vagues. Nous les regardions venir, elles écumaient dans les roches, à fleur d'eau, tourbillonnaient dans les creux, sautaient comme des écharpes qui s'envolent, retombaient en cascades et en perles, et dans un long balancement ramenaient à elles leur grande nappe verte. Quand une vague s'était retirée sur le sable, aussitôt les courants s'entrecroisaient en fuyant vers des niveaux plus bas. Les varechs remuaient leurs lanières gluantes, l'eau débordait des petits cailloux, sortait par les fentes des pierres, faisait mille clapotements, mille jets. Le sable trempé buvait son onde et, se séchant au soleil, blanchissait sa teinte jaune. Dès qu'il y avait de la place pour nos pieds, sautant par-dessus les roches, nous continuions devant nous. Elles augmentèrent bientôt leur amoncellement désordonné, tournées, bousculées, entassées dans tous les sens, renversées l'une sur l'autre, nous nous cramponnions de nos mains qui glissaient, de nos pieds qui se crispaient en vain sur leurs aspérités visqueuses. La falaise était haute, si haute qu'on en avait presque peur quand on levait la tête. Elle vous écrasait de sa placidité formidable, et elle vous charmait pourtant, car on la contemplait malgré soi, et les yeux ne s'en lassaient pas. Il passa une hirondelle, nous la regardâmes voler. Elle venait de la mer, elle montait doucement, coupant au tranchant de ses plumes l'air fluide et lumineux où ses ailes nageaient en plein et semblaient jouir de se déployer toute libre. Elle monta encore, dépassa la falaise, monta toujours et disparut. Cependant, nous rampions sur les rochers, dont chaque détour de la côte nous renouvelait la perspective. Il s'interrompait par moments, et alors nous marchions sur de grandes pierres carrées, plates comme des dalles, où des fentes qui se prolongeaient en avant deux à deux et presque symétriques semblaient les ornières de quelque antique voie d'un autre monde. De place en place, immobiles, comme leur fond verdâtre, s'étendaient de grandes flaques d'eau qui étaient aussi limpides, aussi tranquilles, et ne remuaient pas plus qu'au fond du bois, sur son lit de cresson, à l'ombre des saules, la source la plus pure. Puis, de nouveau, les rochers se présentaient plus serrés, plus accumulés. D'un côté, c'était la mer, dont les flots sautaient dans les basses roches. De l'autre, la côte droite, ardue, infranchissable. Fatigués, étourdis, nous cherchions une issue. Mais toujours la falaise s'avançait devant nous, et les rochers, étendant à l'infini leurs sombres masses de varechs, faisaient succéder l'une à l'autre leurs têtes inégales qui grandissaient en se multipliant comme des fantômes noirs qui sortaient de dessous terre. Nous roulions ainsi à l'aventure quand nous vîmes tout à coup, serpentant en zigzag dans la roche, une valeuse qui nous permettait comme par une échelle de regagner la rase campagne. Quand nous l'eûmes gravie, nous nous trouvâmes sur le plateau qui domine toute la côte de l'île, et continuâmes dans la même direction à travers des champs sans arbres que n'égayait aucune verdure. Il était néanmoins fort doux de n'avoir plus qu'à remuer les pieds et à les pousser devant soi. Un petit bois de pin grêle s'offrit, Nous y entrâmes, ayant débouclé le sac qui, depuis 4 heures, me ballottait aux épaules. Nous commençâmes à déchiqueter avec nos ongles et nos mains la tranche de veau froid qui s'y oxonnait contre le morceau de pain. Couchés par terre, sur les feuilles tombées, nous dînâmes entre nos jambes, en faisant sécher au bout des branches d'arbres nos chaussettes et nos souliers, tout trempés d'eau de mer. Quand la nappe fut ôtée et qu'une bonne pipe nous eut remis de nos fatigues, nous ramassâmes le bâton et nous repartîmes. Voulant traverser l'île dans sa largeur, nous nous dirigeâmes d'après le soleil et allâmes droit en face de nous. Mais bientôt, perdus dans la campagne, nous ne cherchâmes plus dès lors qu'à retrouver la mer, dont le rivage, si nous le suivions toujours, devait nous ramener enfin au palais soit le soir, soit dans la nuit, ou le lendemain matin, car nous ne savions plus où il était, ni nous-mêmes où nous étions. N'importe, c'est toujours un plaisir, même quand la campagne est laide, que de se promener à deux, tout au travers, en marchant dans les herbes, en traversant les haies, en sautant les fossés, abattant des chardons avec votre bâton, arrachant avec la main les feuilles et les épis, allant au hasard comme l'idée vous pousse, comme les pieds vous portent, chantant, sifflant, causant, rêvant, sans oreilles qui vous écoutent, sans bruit de pas derrière vos pas, libre comme au désert. Ah, de l'air, de l'espace encore, puisque nos âmes serrées étouffent et se meurent sur le bord de la fenêtre, puisque nos esprits captifs, comme l'ours dans sa fosse, tournent toujours sur eux-mêmes et se heurtent contre ses murs. Donnez au moins à mes narines le parfum de tous les vents de la terre. Laissez s'en aller mes yeux vers tous les horizons. Aucun clocher ne montrait au loin son toit reluisant d'ardoise. Pas un hameau n'apparaissait au revers d'un pli de terrain, ajustant dans un bouquet d'arbres ses toits de chaume et ses tours carrées. On ne rencontrait personne, ni paysans qui passent, ni moutons qui broutent, ni chiens qui rôdent. Tous ces champs cultivés n'avaient pas l'air habités. On y travaille, on n'y vit point. On dirait que tous ceux qui les ont en profitent, mais ne les aiment pas. Nous avons vu une ferme. Nous sommes entrés dedans. Une femme en guenilles nous a servi dans des tasses de grès du lait frais, comme de la glace. C'était un silence singulier. Elle nous regardait avidement et nous sommes repartis. Nous sommes descendus dans un vallon dont la gorge étroite semblait s'étendre vers la mer. De longues herbes à fleurs jaunes nous montaient jusqu'au ventre. Nous avancions en faisant de grandes enjambées. Nous entendions de l'eau couler près de nous et nous enfoncions dans la terre marécageuse. Les deux collines vinrent à s'écarter, portant toujours sur leurs versants arides un gazon ras que des lichens plaquaient par intervalles comme de grandes taches jaunes. Au pied de l'une d'elles, un ruisseau passait parmi les rameaux bas des arbrisseaux rabougris qui avaient poussé sur ses bords et s'allait perdre plus loin sur la feuille des nénuphars. Le soleil dardait, les moucherons bruissaient leurs ailes et faisaient courber la pointe des joncs sous le poids de leur corps léger. Nous étions seuls, tous les deux, dans la tranquillité de cette solitude. En cet endroit, le vallon s'arrondissait en s'élargissant et faisait un coude sur lui-même. Nous montâmes sur une butte pour découvrir au-delà. Mais l'horizon vite s'arrêtait, enclos par une autre colline, ou bien étendait de nouvelles plaines. Cependant, nous prîmes courage et continuâmes à avancer, tout en pensant à ces voyageurs abandonnés dans les îles qui grimpent sur les promontoires pour apercevoir au loin quelques voiles venant à eux. Le terrain devint plus sec, les herbes moins hautes, et la mer tout à coup se présenta devant nous, resserrée dans une anse étroite, et bientôt sa grève, faite de débris de madrépores et de coquilles, se mit à crier sous nos pas. Nous nous laissâmes tomber par terre et nous nous endormîmes, épuisés de fatigue. Une heure après, réveillés par le froid, nous nous remîmes en marche, sûrs cette fois de ne pas nous perdre. Nous étions sur la côte qui regarde la France et nous avions le palais à notre gauche. C'était sur ce rivage-là que nous avions vu la veille la grotte qui nous avait tant charmés. Nous ne fûmes pas longtemps à en trouver d'autres plus hautes et plus profondes. Elle s'ouvrait toujours par de grandes ogives, droites ou penchées, poussant leurs jets hardis sur d'énormes pans de roc aux coupes régulières. Noires et veinées de violet, rouges comme du feu, brunes avec des lignes blanches, elles découvraient pour nous qui les venions voir toutes les variétés de leurs teintes et de leurs formes, leur grâce, leur fantaisie grandiose. Il y en avait une, couleur d'argent, que traversaient des veines de sang. Dans une autre, des touffes de fleurs, ressemblant à des primes verts, s'étaient écloses sur les glacis de granit rougeâtre. Et du plafond tombaient sur le sable fin des gouttes lentes qui recommençaient toujours. Au fond de l'une d'elles, sous un cintre allongé, un lit de gravier blanc et poli, que la marée sans doute retournait et faisait chaque jour, semblait être là pour y recevoir, au sortir des flots, le corps de la naïade. Mais sa couche est vide, et pour toujours la perdue. Il ne reste que ses varechs encore humides, où elle étendait ses beaux membres nus, fatigués de la nage, et sur lesquels, jusqu'à l'aurore, elle dormait au clair de lune. Le soleil se couchait. La marée montait au fond sur les roches qui se fassaient dans le brouillard bleu du soir que blanchissait sur le niveau de la mer l'écume des vagues rebondissantes et de l'autre partie de l'horizon, le ciel rayé de longues lignes oranges avait l'air balayé comme de grands coups de vent. Sa lumière, reflétée sur les flots, les dorait d'une moire chatoyante. Se projetant sur le sable, elle le rendait brun et faisait briller dessus un semis d'acier. Une demi-lieue vers le sud, la côte allongeait vers la mer une file de rochers. Il fallait, pour les joindre, recommencer une marche, pareille à celle que nous avions faite le matin. Nous étions fatigués, il y avait loin, mais une tentation nous poussait vers là-bas, derrière cet horizon. La brise arrivait, dans le creux des pierres, les flaques d'eau se ridaient, les goémons accrochés aux flancs des falaises tressaillaient, et du côté d'où la lune allait venir, une clarté pâle montait de dessous les eaux. C'était l'heure où les ombres sont longues. Les rochers semblaient plus grands, les vagues plus vertes. On eût dit que le ciel s'agrandissait et que toute la nature changeait de visage. Donc nous partîmes en avant, au-delà, sans nous soucier de la marée qui montait, ni s'il y avait plus tard un passage pour regagner terre. Nous voulions jusqu'au bout abuser de notre plaisir et le savourer sans en rien perdre. Plus légers que le matin, nous sautions, nous courions sans fatigue. Sans obstacle, une verve de corps nous emportait malgré nous et nous éprouvions dans les muscles des espèces de tressaillements d'une volupté robuste et singulière. Nous secouions nos têtes au vent et nous avions du plaisir à toucher les herbes avec nos mains. Aspirant l'odeur des flots, nous humions, nous évoquions à nous tout ce qui avait de couleurs, de rayons, de murmures, le dessin des varechs, la douceur des grains de sable, la dureté du roc qui sonnait sous nos pieds, les altitudes de la falaise, la frange des vagues, les découpures du rivage, la voix de l'horizon. Et puis c'était la brise qui passait, comme d'invisibles baisers qui nous coulaient sur la figure. C'était le ciel où il y avait des nuages allant vite, roulant une poudre d'or, la lune qui se levait, les étoiles qui se montraient. Nous nous roulions l'esprit dans la profusion de ces splendeurs. Nous nous en repaissions nos yeux. Nous en écartions les narines, nous en ouvrions les oreilles. Quelque chose de la vie des éléments émanant d'eux-mêmes, sous l'attraction de nos regards, arrivait jusqu'à nous, s'y assimilant, faisant que nous les comprenions dans un rapport moins éloigné, que nous les sentions plus avant, grâce à cette union plus complexe. À force de nous en pénétrer, d'y entrer, nous devenions nature aussi. Nous sentions qu'elle gagnait sur nous deux, et nous en avions une joie démesurée. Nous aurions voulu nous y perdre, être pris par elle, ou l'emporter en nous. Ainsi que dans les transports de l'amour, on souhaite plus de mains pour palper, plus de lèvres pour baiser, plus d'yeux pour voir, plus d'âme pour aimer. Nous étalant sur la nature dans un ébattement plein de délire et de joie, nous regrettions que nos yeux ne pussent aller jusqu'au sein des rochers, jusqu'au fond des mers, jusqu'au bout du ciel, pour voir comment poussent les pierres se font les flots, s'allument les étoiles. Que nos oreilles ne pussent entendre graviter dans la terre la formation du granit, la sève poussée dans les plantes, les coraux roulés dans les solitudes de l'océan. Et dans la sympathie de cette effusion contemplative, nous eussions voulu que notre âme, si radiant partout, allât vivre dans toute cette vie pour revêtir toutes ses formes, durer comme elle, et se variant toujours, toujours pousser au soleil de l'éternité ses métamorphoses. Mais l'homme n'est fait pour goûter chaque jour que peu de nourriture, de couleurs, de sons, de sentiments, d'idées. Ce qui dépasse la mesure le fatigue ou le grise. C'est l'idiotisme de l'ivrogne, c'est la folie de l'extatique. Ah, que notre verre est petit, mon Dieu, que notre soif est grande, que notre tête est faible. Ce soir-là, nous n'avions plus la nôtre parfaitement d'aplomb sur les épaules. Nous nous en revenions animés, émus, presque furieux, le cœur battant, les nerfs vibrants comme les cordes d'une harpe que l'on a trop pincée. Nous nous sentions le corps fatigué, le cerveau étourdi, tandis qu'au contraire nos jarrets, saccadant leurs mouvements, d'eux-mêmes nous poussaient en avant et nous faisaient presque bondir. Lorsque nous rentrâmes dans la ville dont on allait fermer les portes, il y avait 14 heures que nous marchions. Nos pieds sortaient par nos souliers et l'on tordit nos chemises qui, 2 jours après, n'était pas sèche. Pour nous en retourner à Quiberon, il fallut se lever le lendemain avant 7 heures, ce qui exigea du courage. Encore raides de fatigue et tout grelottant de sommeil, nous nous empilâmes dans la barque, en compagnie d'un cheval blanc, de 2 voyageurs pour le commerce, du même gendarme borgne et du même fusilier qui, cette fois, ne moralisait personne. Gris comme un cordelier et roulant sous les bancs, il avait fort à faire pour retenir son shako qui lui vacillait sur la tête et pour se défendre de son fusil qui lui cabriolait dans les jambes. Je ne sais qui de lui ou du gendarme était le plus bête des deux. Le gendarme n'était pas ivre, mais il était stupide. Il déplorait le peu de tenue du soldat, il énumérait les punitions qu'il allait recevoir, il se scandalisait de ses hoquets, il se formalisait de ses manières. Vu de 3/4, du côté de l'œil absent, avec son tricorne, son sabre et ses gants jaunes, c'était certes un des plus tristes aspects de la vie humaine. Un gendarme est d'ailleurs quelque chose d'essentiellement bouffon que je ne puis considérer sans rire. Effet grotesque et inexplicable que cette base de la sécurité publique a l'avantage de m'occasionner avec les procureurs du roi, les magistrats quelconques, et les professeurs de belles lettres. Incliné sur le flanc, le bateau coupait les vagues qui filaient le long du bordage en tordant de l'écume. Les 3 voiles bien gonflées arrondissaient leurs courbes douces, la mâture criait, l'air sifflait dans les poulies. Penché sur la proue, le nez dans la brise, un mousse chantait. Nous n'entendions pas les paroles, mais c'était un air lent, tranquille et monotone, qui se répétait toujours, ni plus haut ni plus bas, et qui prolongeait en mourant des modulations traînantes. Cela s'en allait, doux et triste, sur la mer, comme dans une âme, un souvenir confus qui passe. Le cheval se tenait debout, du mieux qu'il pouvait, sur ses 4 pieds, et mordillait sa botte de foin. Les matelots, les bras croisés, souriaient en regardant dans les voiles. À Quiberon, nous revîmes M. Rohan, sa rubiconde et haute épouse, et son jeu du trou madame, qui remplace dans son établissement le billard obligé et qui paraît être une des curiosités du pays. Nos 2 voyageurs y étaient forts, et quand, après avoir déjeuné avec eux, nous partîmes pour Plouarnel, nous les laissâmes acharnés mieux que jamais, en train de jouer le café avec une de leurs connaissances de l'endroit. Tous 2, ils voyageaient dans les draps. Le premier était un assez beau mâle, de quelque 20 ans, blond, haut en couleur, ayant poitrine bombée, casquette sur l'oreille, talons hauts et gilet jusqu'aux genoux. Il nous représentait l'incarnation du vaudeville à char. Il en avait l'élégance, c'en était le style. Quant à l'autre, sans doute que dans son temps, il avait eu l'aimable laisser-aller de son compagnon. Lui aussi, il avait peut-être, jadis, pris la taille aux bonnes, injurié amicalement les garçons, était brillant sur le carambolage et distrait les ennuis de la grande route en chantant du Béranger dans son cabriolet. Mais l'âge était venu, cette neige du cœur qui avait éteint sa flamme et calmé sa voix. L'expérience d'un sage, la modération du philosophe, se lisait sur son front qu'avaient ridé les soucis de la vente et les inquiétudes du ballot. Combien dans sa vie avait-il dû écrire de lettres d'affaires? De combien de maisons n'avait-il pas été mis à la porte? Que de fois il avait dîné à table d'hôte. Devant se rendre comme nous le soir à Plouarnel, ces messieurs nous proposèrent de prendre nos sacs dans leur voiture, ce que nous acceptâmes et dont bien nous prit, car de Quiberon à Plouarnel, la route est fort sablonneuse et 25 livres de plus sur le dos n'auraient pas accéléré notre marche. Jusqu'au fort Penthièvre, à peu près, la route étant connue, nous ne vîmes rien de nouveau. Mais nous revîmes avec ennui quelques-uns de ces bons menhirs allongeant sur l'herbe leur ombre bête. Nous n'entrâmes pas au fort Penthièvre, ce qui étonna beaucoup le factionnaire qui, nous voyant passer, avait eu la prévenance de nous crier de loin qu'il nous fallait une permission pour le voir. Mais nous nous assîmes au bas de son talus sur le versant d'un grand monticule de gazon dont la pente descend vers les sables. Le soleil brillait, la mer pétillait, un vent sec et âpre soufflait sur les joncs des dunes et comme une nappe d'eau qui eût passé dessus les courbait tous à la fois. En face de cette hauteur où nous étions, Plouarnel se montrant sur la côte opposée, le clocher de son église, certes, paraissait facile à atteindre. Il n'y avait qu'à suivre tout droit, ainsi que disent les paysans. Comme si c'était chose fort aisée à faire que de suivre tout droit n'importe quoi, même quand on a devant les yeux un clocher ou une girouette. La presqu'île, se découpant au milieu de la mer, prolongeait sa perspective d'un jaune pâle, et les vagues dessinaient sur son double rivage deux longues bordures d'écume blanche. La mer était toute bleue, le ciel tout blanc. Frappés d'aplomb par le soleil, les sables faisaient miroiter devant nous de grands reflets bruns qui semblaient les faire onduler et en allonger l'étendue. Des monticules ronds formés par des coups de vent et que piquaient çà et là quelques joncs minces comme des aiguilles se présentaient sans cesse l'un après l'autre. Il fallait les monter et les descendre. Des traînées de poussière se levant lentement s'envolaient et nos yeux se fermaient à l'éblouissement du soleil qui flambait sur les flots et chatoyait sur le sable. Le vent nous empourprait leur visage. Il nous le fouettait à grands coups. Nous avancions lentement et avec tristesse sur cette grève abandonnée. Donc nous allions, sans mot dire, du mieux que nous pouvions, sans jamais atteindre au fond de la baie où avait l'air de se trouver Plouarnel. Nous y arrivâmes cependant, mais là nous tombions dans la mer. Nous avions pris le côté droit du rivage, tandis qu'on devait suivre le gauche. Il fallut rebrousser chemin et recommencer une partie de la route. Un bruit étouffé se fit entendre. Un grelot sonna, un chapeau parut. C'était la poste d'Auray. Toujours même homme, même cheval, même sac aux lettres. Il s'en allait tranquillement vers Quiberon, d'où il reviendra tantôt pour y retourner demain. C'est l'hôte du rivage. Il le passe le matin, il le repasse le soir. Sa vie est de le parcourir. Lui seul l'anime. Il en fait l'épisode. J'allais presque dire la grâce. Il s'arrête, nous lui parlons 2 minutes, il nous salue et il repart. Quel ensemble que celui-là! Quel homme et quel cheval! Quel tableau! Callot, sans doute, l'aurait reproduit. Il n'y a que Cervantes pour l'écrire. Après avoir passé sur de grands quartiers de roc, compte essayer d'aligner dans la mer pour raccourcir la route en coupant le fond de la baie, nous arrivâmes enfin à Plouarnel. Le village était tranquille. Les poules gloussaient dans les rues, et dans les jardins enclos de murs de pierres sèches, les orties sont poussées au milieu de carrés d'avoine. Comme nous étions devant la maison de notre hôte, assis à prendre l'air, un vieux mendiant a passé. Il était courbé, en guenilles, grouillant de vermine, rouge comme du vin, hérissé, suant, la poitrine débraillée, la bouche baveuse. Le soleil reluisait sur ses haillons, sa peau violette et presque noire semblait transudée du sang. Il beuglait d'une voix terrible en frappant un coup redoublé contre la porte d'une maison voisine. Nous eûmes l'honneur de dîner avec nos deux voyageurs pour le commerce, dont la politesse méritait bien l'offre de l'inévitable bouteille de champagne. Aussi leur cœur s'ouvrit-il complètement au nôtre, ils versèrent dedans leurs confidences les plus intimes. Nous apprîmes des choses fort intéressantes, que le plus jeune, par exemple, voyageait pour une maison de Lisieux, et qu'il avait eu l'an passé une maîtresse qui s'appelait Joséphine et qui avait beaucoup de gorge. C'était du reste un gaillard qui avait connu de Cythère le haut et le bas de l'échelle. Il lui arrivait souvent de calmer ses sens pour de faibles trésors, et il avait couché avec des femmes qui couchaient dans des draps de satin noir. « Et quoi ? » lui dit son compagnon. « Tu ne leur en as pas pris un peu pour te faire des gilets ?» L'hôte, qui est le maire de l'endroit, vint au dessert trinquer avec nous. Les deux coudes de sa chemise appuyés sur la table, son bonnet de soie noire relevé derrière les oreilles pour mieux entendre, il demeura tout le temps muet et béant à savourer les discours de nos deux amis et les nôtres qui ne valaient pas mieux. Du reste, ce dîner ne nous ennuya pas, il est parfois très doux de causer avec des imbéciles. Le lendemain était un dimanche, et la cuisine était déjà toute pleine de paysans qui venaient boire quand nous descendîmes pour y prendre notre soupe à l'oignon avant de nous mettre en marche pour Auray. On entendait par-dessus les voix et les galoches ferrées qui résonnaient dans le cabaret le recoulement d'une tourterelle enfermée dans une cage suspendue à la muraille. Quel doux bruit que celui-là ! Aimez-vous les vieux colombiers où on les voit marcher sur le toit des tuiles en rengorgeant leurs coups, en ouvrant leurs ailes, en baignant leurs pieds roses dans l'eau des gouttières, tout en poussant tout le long du jour leurs ronflements plaintifs qui reprennent et s'arrêtent ? Nous étions levés, nous allions partir, nous le vîmes passer, mais nous ne l'aperçûmes que par derrière. Qu'était-ce par devant ? Qui donc ? Le chapeau. Quel chapeau ! Un vaste et immense chapeau qui dépassait les épaules de son porteur et qui était en osier. Quel osier ! Du bronze plutôt, planisphère dur et compact, fait pour résister à la grêle, que la pluie ne traversait point, que le temps ne devait que durcir et fortifier. L'homme qu'il recouvrait disparaissait dessous et avait l'air d'y être entré jusqu'au milieu du corps. Il le portait cependant, je l'ai vu tourner la tête. Quelle constitution ! Quel tempérament il avait donc ! Quels muscles cervicaux ! Quelle force dans les vertèbres ! Mais aussi, quelle ampleur ! Quel cercle ce chapeau ! Il projette son ombre tout alentour de lui, et son maître ne doit jamais jouir du soleil. Ah, quel chapeau ! C'est un couvercle de chaudière à vapeur surmonté d'une colonne. Ça ferait un four en y pratiquant des meurtrières. Il y a des choses inébranlables, le simplon et l'impudence des critiques. Des choses solides, l'arc de l'étoile et le français de la bruyère. Des choses lourdes, le plomb, le bouilli et M. Nisard. Des choses grandes, le nez de mon frère, l'Hamlet de Shakespeare et la tabatière de Bouillet. Mais je n'ai rien vu d'aussi solide, d'aussi inébranlable, d'aussi grand et d'aussi lourd que ce chapeau de Plouarnel. Et il avait une couverture en toile cirée. Gustave Flaubert. Enregistré par Christiane Jehan.